Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Say, sugar, sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Ultimate feeling. Ultimate feeling, got me lifted, feeling, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Oh, sugar, sugar, how you get so fly? Oh, sugar, how you get so fly? Live Club sur Radio Mix Floor. Jusqu'à 22h à faire la teuf comme ça en pleine semaine avec DJ Netek aux platines de la radio. Si vous sortez ce soir, profitez bien de votre soirée, mais surtout désignez bien votre Sam, le capitaine de soirée. Allez-y mollo avec l'alcool qui est à consommer évidemment avec modération. Retour du son dance floor dans moins de 2 minutes avec Maten, Kungs et Calvin Harris qui vont débarquer. Restez branchés, je m'appelle Quentin, on est ensemble jusqu'à 22h. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor.

Realize when I'm gone.

France avec le son de Radio Mix Floor en soirée, pendant un barbecue ou encore pendant l'apéro. Hein. Vous écoutez le set de DJ Netech, résident Radio Mix Floor. Et du côté message, vous êtes hyper nombreux, comme Steven Delisle qui fait une grosse dédicace à toute l'équipe de la radio et à DJ Netech qui fout le bordel. Eh bien, profite bien, mon ami. Nous, on continue de faire la teuf en studio. On vous accompagne jusque 22h avec tous vos mix dance électro. Restez là sur la première web radio Dance Floor de France. Et il y a Dero qui va débarquer dans un instant. Bienvenue. Radio Mix Floor Live, au platine, DJ Netech. Mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, sabrosito, vamos a bailar. Let me roam your body freely.

Mix pour vous dans Planet Mix sur Radio Mix Flore. Thank you. La première web radio dance floor de France est ici, Radio Mix Floor, DJ Netek au platine jusqu'à 22h. Que demander de plus? En tout cas, restez branchés, on fait la teuf avec vous, on s'incruste dans votre soirée et franchement, on n'est pas si mal. Vous kiffez? Eh bien, continuez de nous écouter. Je vous dis même de monter le son un petit peu durant la dernière heure. Plein de surprises qui arrivent. Restez là, DJ Netek au platine jusqu'à 22h, bienvenue. I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding up to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. Can't be 18h-20h sur Radio Mix Floor. Les vacances qui continuent plutôt bien avec Radio Mix Floor et DJ Netek au platine jusqu'à 22h. RadioMixFloor.fr pour nous écouter et faire la teuf avec nous. Ne bougez pas, dans moins de 2 minutes on revient avec tous vos hits préférés. Bah oui, on aime vous faire kiffer, on aime vous faire danser. C'est ça notre plus gros kiff. Restez là, le son de Headhunters qui arrive. J'ai un peu du mal à le dire ce soir. Headhunters donc qui arrive. Je m'appelle Quentin, je vous accompagne jusqu'à 22h. Toujours avec DJ Netek. On ne bouge pas. Restez là tout le monde. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Chaque année, certains la redoutent, d'autres l'attendent avec impatience. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. American Nightmare 3, élection. Aujourd'hui, une femme ose se dresser contre la violence aveugle. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. American Nightmare 3, élection. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Actuellement au cinéma. Top raison numéro 1 d'être Sam ce soir. La vie de tes amis, tu sauveras. Bonjour Théo, c'est Madame Millefotte, la mère de Jean. Ah, bonjour madame. Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon fils hier soir. Bah, c'est normal madame. Non, pas boire et ramener ses amis sains et saufs après une soirée, c'est très courageux. C'était mon job madame. Isabelle. Ok, Isabelle, moi hier c'était Sam. Sam? Pourquoi Sam?

Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckers got. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home, we pass it. Stop, c'est ce qu'on vous propose et ce qu'on vous passe aussi tous les soirs du lundi au jeudi entre 20h et 22h sur Radio Mixfloor. Et ce soir, c'est DJ Netek qui vient mixer. Allez, encore une bonne demi-heure à tout donner jusqu'au bout. On s'occupe de vous, profitez bien de vos vacances et bon courage à tous ceux qui sont au taf en ce mardi soir. Le son de Radio Mixfloor avec vous. Restez avec nous jusqu'à 22h. Bienvenue tout le monde. Radio Mixfloor Live, au platine, DJ Netek. Chill. Mix sur Radio Mix Floor. Fuck. blow the roof when the beat drops. Down.

Crack.